Niko na lamukia kila ndugu na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus Christ. Tunapikia tena Mungu asante juu ya kutukaburia siku ya leo. Nous remercions notre Dieu du fait qu'il nous a accordé la lamukia tena banduku na badada wenye kutufuata kwa internet. Nous saluons des frères et des sœurs qui nous suivent à l'internet. Na bote kuna balamukia mjini ya Yesu Kristo. Nous les saluons au nom du Seigneur Jésus Christ. Bila shikukawia tuko na shibama juu ya kusoma neno ya Mungu. Sans plus tarder, mettons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Genèse chapitre 18. Nous allons prendre Mwanzo sura 18. Tasoma verset ya kwanza jusqu'à verset 5 kisha tutaluka. Du premier verset jusqu'au cinquième, après tout nous allons sauter. Tutenda mu verset 13 à 14. Verset 13 jusqu'à 14. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Wamilele akamonekania katikati ya michi ya Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant le chaleur du jour. Savilarika la pamulango ya hema ya hema yake wakati ya kifukutu. Il leva les yeux et regarda. Alamusha macho yake na akaona. Voici trois hommes étaient debout près de lui. Tazama watu watatu walisimama mbele yake. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternait en terre. Wakati aliwaona aliwakimbilia tangia wema lake na kujinama chini mbele yao. Il dit, na kisha akasema, Seigneur, Bwana, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama mina pata neema mbele ya macho yenu, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Usipite mbali mbele ya mtumishi wako. Permette qu'on emporte un peu d'eau. Urusu wamilete kwanza maji kidogo. Pour vous laver les pieds. Ili mupate kunawa migu. Et reposez-vous sous cet arbre. Na mupate kupumzika chini ya hii muti. J'irai prendre un morceau de pain pour offrir votre cœur. Taenda kuchugua mkipande ya mukate juu ya kumpachia. Après quoi vous continuerez votre route. Na kisha mutaendelea safari zenu. Car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. Wani njo kinyewe mulipitia pembeni ya mtumishi wenu. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Wakamujibu, ufanye vile unatoka mkuisema. 13 à 14. 13 na 14. L'Éternel dit à Abraham. Wamilele akamwambia Ibrahimu, pourquoi donc Sara a-t-elle ri? Juani, en disant, juanini basi Sara wako anacheka na kusema, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Eti kweli kweli tu mi mwenye kuzeka nitapata mtoto? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Eti kunekalaka ko kitu ki nguvu mbele ya wamilele? Au temps fixé. Mwakati ya mafa. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Mintarudia kwako paka mui wakati moja moja. Et Sarah aura un fils. Na Sarah atakuzalia mtoto mwanaume. Sarah menti en disant. Sarah akalongofya na kusema. Je n'ai pas ri. Misi kucheke. Car elle a eu peur. Kwani alisikia boka. Mais Dieu dit. Alakini Mungu akasema. Au contraire tu as ri. Kwa kinyume uricheka. Niko naomba. Je vais prier. Tuko na kupikia aksante mufalme na Mungu wa kumbingu. Nous te remercions notre Dieu et le roi du ciel. Aksante sana juu ya kuitikia siku ya leo ipate kuyako. Merci pour avoir permis que la journée d'aujourd'hui puisse avoir lieu. Mudunia tuko naishi Seigneur. Dans le monde où nous vivons, Bwana. Mafashi yote abana msalama. Dans beaucoup d'endroits ils ne sont pas en paix. Kama si tunapata wakati ya kukusanyika. Si nous avons eu l'occasion de nous réunir. Kuko paka sababu. Il y a une raison pour cela. Tuko na kualika upate kushuka. Nous t'invitons que tu puisses descendre. Présence yako iko ya mafa sana mwimu kusanyika. Ta présence est vraiment nécessaire au milieu de nous. Juu kama wewe unasema. Si toi Dieu tu parlais. Bujima butaonekana. Il y aura la vie. Kama wewe unasema. Si toi tu parles. Matunzo itaonekana. La guérison sera manifeste. Kama wewe Mungu unasema. Si toi Dieu tu parles, les changements se manifesteront. Et si nous nous réunissons ce soir, nous venons à toi. Dites seulement un mot qui va nous aider. Qu'en sortant qu'on dise qu'il était nécessaire de venir ici. Bénis la parole que nous venons de lire. Puisses-tu lui donner la vie afin qu'elle puisse nous aider pour pour aujourd'hui. Du début jusqu'à la fin, sois glorifié. Tout ceci pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous continuons en disant encore aujourd'hui. C'est lorsque Dieu parlait à Abraham. Nous avons dit depuis hier. Dieu était en passage vers Sodome. Parce que le bruit du péché des gens de Sodome était arrivé même au devant de Dieu. Maintenant Dieu allait là-bas pour certifier si ce qu'il a entendu était vrai ou faux. Il a pris avec lui des anges. Il les a fait porter le corps humain. Il leur a dit, allons sur la terre, vous allez m'accompagner. On aille se rendre compte de ce que nous avons entendu. Alors ils sont passés par là où était Abraham. Abraham, comme il était un élu de Dieu, il a reçu la révélation que ces gens sont différents des communs de mon père. Et hier nous avons dit, si Abraham est parvenu à découvrir ces gens, c'est parce qu'il était dans l'atmosphère spirituelle. Et même hier nous avons dit, c'est ce qui manque à beaucoup de frères et à beaucoup de sœurs. La parole de Dieu, on la comprend spirituellement. Pour que quelqu'un puisse comprendre correctement les choses de Dieu, il doit aussi entrer dans l'atmosphère spirituelle pour qu'il puisse découvrir les choses de Dieu correctement. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il était dans cette atmosphère, c'est ce qui l'a aidé à découvrir, à différencier les choses. Mais ce comportement-là, beaucoup de gens n'en ont pas. Si nous nous réunissons tous les jours, il y a une écriture qui dit, là où deux ou trois qui se réunissent à mon nom, moi Dieu je suis au milieu d'eux. C'est Dieu seul qui ne ment jamais. Dans la présence de Dieu il y a des merveilles. Dans la présence de Dieu il y a ce que Dieu fait, et l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Ça n'a aucune importance. Chaque jour que quelqu'un dit qu'il va dans la présence de Dieu, par après qu'il rentre le même, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas facilement. Parce que si chaque frère et chaque soeur, s'il était dans l'atmosphère qu'était Abraham, je pense que lorsque nous nous réunissons, aucune personne ne pouvait pas rentrer tel qu'il est venu. Il devait y avoir quelque chose qui se passe dans ta vie qui fait que tu es entré en contact avec Dieu. Lorsque aujourd'hui la réunion est devenue comme habituelle, quelqu'un qui vient à la cité, il vient tout en étant dans les conflits avec les gens, il vient avec des mauvaises pensées. Comme les gens se sont habitués à l'église, il vient, il s'assoit sur les banquettes. Son problème est d'accomplir seulement la religion. Lorsque ça sera 18h, il sort pour aller vaquer à ce qui passe. Et les gens croient qu'agir de cette manière-là, c'est adorer le véritable Dieu. Et pourtant, c'est faux. Que Dieu vous bénisse. Venir à des endroits pareils, si chacun de nous était conscient que je vais au devant de l'éternel, chaque frère et chaque soeur, il devait réparer sa vie ou sa façon de se comporter. Que Dieu vous bénisse. Mais vous allez voir quelqu'un qui a insulté les gens. Il a parlé de vaines choses. Il vient encore à la réunion. Il ne fera rien. Frère Branham dit ceci avant d'évoluer. Toujours dans ces messages. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Et tu connais quoi que kitu qui angufu mbele ya wamilele? Paragraphe yake 19. Nukta yake ya 19. Frère Branham anasema hivi. Frère Branham dit ceci. Quand Abraham alla aller rencontre. Wakati Abraham arienda juu kukutanishana nabo. Paragraphe 19. Nukta 19. Il est détourna de leur chemin en disant. Argeuka munjia bona kusema. Entrez vous asseoir, asseyez-vous un petit instant sous les chênes. Permettez-moi d'apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et je vous donnerai un morceau de pain. Et reposez-vous juste un peu. Ensuite, vous pourrez poursuivre votre chemin. Oh, quand il est fils à soir là. Quand bien même il n'avait pas une apparence différente de celle des autres hommes, car ils portaient des habits, ils avaient de la poussière sur leurs habits, et ils venaient d'un autre pays, probablement que leurs pieds étaient poussiérés, et leurs vêtements en lambeaux. Mais Abraham savait. Abraham, alakine Abraham savait là à l'intérieur alijua kwamba mule ndani qu'il y avait quelque chose de réel. Mulikuwa kitu kya bya kweli. L'esprit l'avait révélé. Roho ilimfunulia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il demeurait tout le temps dans une atmosphère spirituelle. Wani kila wakati alikuwa na dumu mudalili ya kiroho. De sorte qu'il pouvait chaque fois. Munamna kusema alikuwa aliweza kila wakati. Distinguer le bien du mal. Kutambu kuachanisha vizuri na vibaya. C'est ainsi que les chrétiens devraient agir aujourd'hui. Jo muina muna ba Kristo balipashi kutenda leo. Se maintenir toujours dans la prière. Kubakia kila wakati paka dans une atmosphère spirituelle, mudalili ya kiro, toujours, kila wakati, sans voir le mauvais côté, bila kuwako na bitu bibaya, ne considérant que le bon côté, alakini kuona paka ngambo, vous êtes des enfants de Dieu, ukubatoto ya Mungu, Mungu apate kubariki, amen. Abraham alikuwa mtu wa maombi. Abraham était un homme de prière. Na ali yake alikuwa ali mzuri. Son état ou son atmosphère était correct. Ile ilianza kumpermettre aanze kujua kuachanisha kizuri na kibaya. Qui lui permettait de différencier de mal au bien. Mungu apate kubariki. Et Dieu vous bénisse. C'est pourquoi kila ndugu na kila dada. C'est pourquoi chaque frère et chaque sœur. Anapasha kuchunga ile ari ndani ya maisha yake. Il doit garder cette atmosphère dans sa vie. Kama ile ari haina tena ndani ya maisha yako. Si tu n'applies cette atmosphère dans ta vie. Hautaanza tena kuvumbula wakati nzambi natafuta kukuingililia. Tu ne vas plus découvrir quand est-ce que le péché tente entrer en toi. Bandu mingi na badala wa mingi beko naanguka mzambi. Beaucoup de frères et de sœurs tombent dans les péchés. Ni kukosa kuya na ali ya kiro. C'est par manque de l'état spirituel. Mungu wa bia kweli. Un véritable enfant de Ule Dieu. Uleko naomba wakati yote. Qui prie à tout moment. Uleko nasoma wakati yote. Qui lit à tout moment. Anekata tena na uwezo. Il a aussi la puissance. Nzambi ngari mbari ayamfikia. De découvrir le péché qui est encore loin avant que ça lui parvienne. Ndio vile mtoto wa Mungu anekala. C'est comme ça qu'un enfant de Mais Dieu se comporte. Fanya bantu. Mais ce qui a fait que les gens Atana jikaza kusema ashifanye nzambi. Malgré qu'il s'efforce de ne pas commettre les Mais péchés. Mais kona shiduka risha kuanguka paka muzambi. Il va se retrouver dans Mais le péché. C'est par manque d'être un homme de prière. C'est par manque de lire. De beaucoup méditer sur la parole de Dieu. Voilà ce qui apporte l'atmosphère spirituelle. Il va t'aider à différencier le mal au bien. Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble? Parce que Dieu. Lorsqu'il est allé chez Abraham, il a porté le corps humain. Que Dieu vous bénisse. Il a pris aussi les anges. Il a pris un corps. Gabriel. Il a donné à l'un. Il a donné aussi à Michael. Lui aussi il a porté un autre corps. Il marchait comme un homme ordinaire. Mais ce qui a aidé à Abraham, c'est cette atmosphère là spirituelle. L'atmosphère qu'il avait, ça l'a aidé à découvrir les choses spirituelles. Et Dieu vous bénisse. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas. Frère, Nduku. Même croire à la fausse doctrine, c'est par manque d'atmosphère spirituelle. Sommes-nous ensemble? Quelqu'un qui est un homme de prière à tout moment, c'est un homme qui lit à tout moment. Dieu aussi veille sur sa vie. Il fait en sorte que beaucoup de choses que Dieu te révèle, au point que tu ne seras pas en mesure de croire aux fausses doctrines. C'est ce que les gens refusent. La prière s'est éloignée. La lecture s'est éloignée. Ce qui est resté dans la bouche des gens, c'est seulement parloter. Les gens ne considèrent plus la parole de Dieu. Ils ne considèrent plus les choses spirituelles. Aujourd'hui, Dieu est devenu comme un Dieu de l'histoire. Alors que la Bible dit, Jésus-Christ est le même Dieu. Jésus-Christ ni Mungu moya moya. Mais là, on a pas ça Mungu à histoire. Aujourd'hui, il est devenu comme un Dieu de l'histoire. Ce qui a aidé, Dieu a pointé pour tumika kazi fulani pa dunia. Qu'il a aidé pour aller travailler sur la terre. Dieu mon frère. Parce que Dieu est mon frère. Mon dada. Dieu est ma soeur. Comment on appelle la kutumika kazi yote yote. Lorsqu'il a besoin de faire n'importe quelle œuvre, anaweza kujiservir na kile kyote yana peine. Il peut se servir de tout ce que lui veut. Est-ce que tu vas mourir? Somme-moi Dieu a pointé la Sodome. À ce moment-là, pour aller à Sodome, il a porté un corps humain. Le corps des hommes, de chaque frère et chaque soeur, il doit savoir que ce corps là que Dieu t'a donné, la mission spéciale pour laquelle Dieu t'a donné le corps humain, c'est pour que tu sois à son œuvre. Sommes-nous ensemble? Si Dieu voulait, il pouvait te donner même un corps de poisson. S'il le voulait, il pouvait te donner même le corps de serpent. Mais si Dieu t'a donné un corps humain, la raison pour laquelle il t'a donné ce corps-là, c'est pour que tu puisses le servir. Que Dieu vous bénisse. Chaque frère et chaque soeur, il doit savoir que ses yeux à lui, il faut que ça soit au service de Dieu. Ses mains, il faut que ça soit au service de Dieu. Son intelligence, sa bouche, tout ce qui t'appartient, Dieu te les a donnés pour que tu les serves. Voilà la raison pour laquelle Dieu te l'a donné. Dieu t'a donné ce corps pour que ça puisse le servir. Et un temps, avec un temps bien déterminé. Sommes-nous ensemble? Tous ces jours, tous tes jours sur la terre, Dieu t'a donné ce corps-là. C'est pour que tu puisses le servir. Il ne t'a pas donné les yeux pour que tu commences à regarder seulement les pornos. À ce moment-là, tu commences à faire l'œuvre qui n'est pas celle pour laquelle on t'a donné ce corps. Il t'a donné les yeux. Il ne t'a pas donné les yeux pour que ça commence à visionner ce. Dieu t'a donné les yeux pour que ça soit son service. Et ces yeux que Dieu t'a loti, il te les a pas donnés définitivement. Il te les a donnés pour un temps bien déterminé. Il y a un temps que ces yeux que tu as là, il y a un temps que Dieu va te ravir de tes pieds. Il y a tes jours que des jours, tes jambes que tu laisses à découvert à tout le monde. Dieu t'a donné tes jambes pour que tu puisses les servir. Il y a un jour qu'il va te les ravir. Sommes-nous ensemble? Donc, c'est-à-dire, Dieu t'a donné ce que tu es là. Avec un temps bien déterminé. Qu'un jour Dieu viendra. Les yeux vont te lever. La tête va te lever. Les mains vont t'ôter. Le ventre va les reprendre. Les jambes vont les reprendre. Tout ce que tu as, les reprendre et les retourner dans la poussière. C'est pourquoi chaque frère et chaque soeur kujua, il doit savoir il est mwili Mungu alikupa. Ce corps que Dieu t'a donné iko mukaji ya nani? Il est au service de qui? Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Il est mwili Mungu alikupa iko mukaji ya nani? Ce corps que Dieu t'a donné là, il est frère, au service de qui? Kila ndugu na kila dada. Parce que chaque frère et chaque soeur kila ndugu anapasha kujua. Chaque frère doit savoir asema atendara kusamba. Qu'il ira comparaître. Munanga ile alitumikishaka mwili yake. Il ira juger de la manière dont tu l'as utilisé son corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Kila ndugu ayue vile kuanzia leo. Que chaque frère le sache. Kusema utaendaka kusamba. Que tu seras jugé. Munamna yote ulitumikishaka mikono yako. De la manière dont tu as utilisé tes mains. Fwashi yote kule mikulu yako ilifinyangaka. Partout tes pieds ont foulé. Utaendaka pa kusamba. Tu seras jugé pour cela. Uliendaka kuile fwashi juu ya nini? Pourquoi est-ce que tu étais parti là-bas? Na uliendaka kufanya nini? Et qu'est-ce que tu étais allé faire? Kusambishaka. Dieu va te juger. C'est pourquoi mon Christ, je crois mana un chrétien, il ne peut pas aller n'importe où. Si on te dit dans une fête de païens, il ne faut pas y aller. Puisque, en allant aux fêtes de païens, tu risques d'aller prendre de l'alcool. Sommes-nous ensemble? Ce que Dieu t'a donné, c'est pour que ça soit au service de Dieu pour un temps bien déterminé. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la raison pour laquelle Dieu t'a donné toutes ces choses. Mais beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, ils ne savent pas pourquoi Dieu leur a donné ce corps. C'est pourquoi les gens se conduisent de leur vouloir. Alors qu'un véritable enfant de Dieu, ses yeux à l'œuvre de Dieu, ses pieds à l'œuvre de Dieu, tout ce qu'il a, ça doit être au service de Dieu. Dieu t'a donné un corps pour que tu puisses le servir. Dieu t'a donné ce corps-là pour que maintenant, tu puisses le servir. Maintenant, depuis que tu es sur la terre, tu attends quel temps pour que tu puisses le servir Dieu? Quel est le moment que tu attends pour que tu le serves? Nikweli, tu attends quel moment? Tu vis sur la terre. Le corps que Dieu t'a donné, tu ne fais que le lambellir. En train de l'embellir avec des poudres, tu seras jugé. Parce que Dieu t'a donné ce corps-là, c'est pour que tu le serves. Il t'a donné ses mains, ce n'est pas pour voler. Non. Tu ne fais que voler des histoires au service. Ce n'est pas pour cette raison que Dieu t'a donné ce corps. Dieu t'a donné ce corps-là pour que tu le serves. Et si Dieu a pris le corps, c'est pour qu'il puisse s'en servir. Mais Abraham, il était vraiment élevé. Malgré que Dieu avait changé de forme, comme il était un élu de Dieu, il était toujours à mesure de découvrir que celui-ci il est différent des autres. C'est la vérité. Nikweli. Mon Christ, frère. Un chrétien, mon frère. Mon Christ, dada. Un chrétien, ma soeur. Mon dans chaque circonstance, il a toujours un discernement. Il n'agit pas comme n'importe oui, qui. Frère. Parce que l'état d'Abraham Elohim, devant Elohim, ça manifeste que cet Abraham il a reçu la révélation. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Nikweli, regardez d'abord le comportement d'Abraham. Genèse, chapitre 18. Toujours dans Genèse chapitre 18. Verset 3. Musari atatu. Il dit akasema, Seigneur, Bwana, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama mida pata neema mbele ya macho yako, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Ushipite mbali na mutumishi wako mina kusini. Permette qu'on emporte un peu d'eau. Urusu bamilete kwanza maji kidogo. Pour vous laver les pieds. Mupate kunawa kumikuni. Et reposez-vous sur cet arbre. Na mupate upumzika chini ya imuti. J'irai prendre un morceau de pain pour ta, offrir votre cœur. Taenda kutafuta kipande ya mkate kutoea moyo wenu. Après quoi? Na kisha, vous continuerez votre route. Mutaendelesha safari yenu. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Il est hari Ibrahim aranza kumpokea nayo Elohim. Cet état avec lequel Abraham a accueilli. Il y en a déjà kusema huyu Ibrahim. Ça prouve que cet Abraham anafunuliwa kusema mimi kwa Mungu. Il est révélé que moi je suis Dieu. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Ndio ile hali Ibrahim alikuwa nayo. Voilà l'état qu'avait Abraham. Alionesha hali ya kujishusha sana kumbele ya Mungu. Il a manifesté l'attitude humble devant Dieu. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Parce que Biblia konasema. Parce que la Bible dit. Alipenda munawishe na mai. Il voulait même le laver les pieds. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Na Jésus-Christ, frère Branham konasema. Jésus-Christ, frère Branham dit aussi. Mwakati ya Bible. Du temps de la Bible. Bale bantu walikuwa nawishana na mai kumikulu. Les gens qui lavaient les pieds des gens. Ni bantu walikuwa kababule. C'était des gens de basse classe. C'est que Ibrahim kumbele Elohim. Abraham devant Elohim. Alishuka tellement sana. Il s'est tellement rabaissé. Mukipima kile Mungu. Au point où Dieu. Akaanza kupenda. Il a voulu. Kia kumfanishia Ibrahim. Il cherchait quoi faire à Abraham. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Mais qui est qui tu n'as qu'une cause à ma frère à ma sœur là? Voilà la chose qui manque aux frères et aux sœurs aujourd'hui. Kujishusha. S'humilier, s'abaisser. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Njokoma na bitu bya mingi bya kirobi na pita bantu. C'est pourquoi beaucoup de choses surnaturelles passent outre. Bantu beko na bakia paka na matabia yabo ya kizarikio. Les gens continuent à conserver leur nature. Mais beko na pena paka Mungu abasaidie. Mais ils veulent à ce que Dieu puisse les aider. Abita wezekana. Ça ne peut pas se faire. Muaja la Odyssée. Dans l'âge de la Odyssée. Kile kina kosa bantu ni humilité. Ce qui manque aux gens ni unyenyekevu. Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble? Mutu yote anapenda paka bamushikie. Tout homme veut à ce qu'il soit. Mutu anapenda paka bamuyue. Qu'il soit connu. Mutu anapenda paka onekane wa kabaila kubenjake. Tout homme veut paraître important devant les autres. Il est aïla attitude ya baeli. Ça, ce n'est pas l'attitude de Bateoule. Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble? Parce que baeli bote mukila génération. Parce que les élus dans chaque génération. Banekalaka na comportement il est quoi na Ibrahim. Ils ont le comportement qu'avait Abraham. Tabia yabo. Leur nature. Nikujona bo batini. C'est considéré de très basse classe. Yabo. Que les autres soient élevés au-dessus d'eux. C'est ça la caractéristique de celui. Si vous voyez un frère ou une sœur, il veut être toujours au-dessus des autres. Il n'est pas un élu. Sommes-nous ensemble? Oui, frère. Diondouk. Un homme pareil, devant Dieu, il n'a pas de valeur. Parce que c'est ça le comportement des gens de ce monde. Humilité ni kitu kimoya kinene sana. Unyenyekevu c'est quelque chose de plus important. Parce que celui qui sauve les gens c'est Dieu. Celui qui guérit c'est Dieu. Celui qui donne le Saint-Esprit c'est Dieu. Mais la Bible dit ceci. Jacques chapitre 4. Jacobo sura yake ya 4. Verset yake 6. Musari ya 6. Mule mkatikati. Un peu au milieu. L'écriture dit. Andiko inasema. Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu eko na shindana na benye kiburi. Mais il fait grâce aux humbles. Alakini anafanshia neema kwa wanyenyekevu. Mungu anakatalaka ta kukubali maombi ya batu wa kiburi. Dieu inagree même pas la prière des orgueilleux. Mungu wetu, notre Dieu à nous, anakatalaka kutunza ata baorgueye. Il ne guérit même pas des orgueilleux. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Parce que tu l'avais qu'on a sema, atone Mungu, atone Mungu. Les gens aujourd'hui disent, on ne voit pas Dieu, on ne voit pas Dieu. Atitiri la Mungu na kuya na mu présence ya Mungu. Mais l'attitude avec laquelle vous venez devant Dieu. Doit il est qu'on a permettre Mungu akufanishe kitu fulani. C'est ce qui permettra, c'est que Dieu puisse faire quelque chose de bon. Mais la Bible dit ceci. Il résiste aux orgueilleux. On a shindana na benye kiburi. Mais il fait grâce aux hommes. Alakini anafanshia neema kwa watu banyenyekevu. Mungu anakatalaka kutunza ba orgueilleux. Dieu refuse de guérir les orgueilleux. Mungu anakatalaka kusanctifia taba orgueilleux. Dieu ne sanctifie pas les orgueilleux. Mungu anakatalaka kukabula roho yake mtakatifu kwa orgueilleux. Dieu ne donne pas son Saint-Esprit à ceux qui sont orgueilleux. Ule kona wajia kuya tellement spirituel kupita C'est lui qui prétend être plus spirituel que les autres. Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, il résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Dieu vous bénisse. Le comportement qu'avait Abraham vis-à-vis d'Elohim, c'était Et Dieu vous bénisse. Oui, frère. Dieu, notre Dieu à nous, il n'aide pas les orgueilleux. Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, le monde actuel considère que Dieu avait agi il y a longtemps. Nous vivons dans un temps là où les gens, quelqu'un croit qu'il est en présence de Dieu, au lieu de s'humilier à ce que Dieu dit. Non, ça fera quoi? Ça va faire quoi? Et alors, que voulez-vous que Dieu fasse? Dieu fera quoi? Regarde mon frère. Regarde ma soeur. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, humilie-toi. Sommes-nous ensemble? Dans les principes de Dieu. Lorsque quelqu'un s'humilie tellement, il s'abaisse, c'est alors que Dieu va. Beaucoup de gens échouent de voir les choses divines. C'est à cause de l'orgueil. Oui, frère. Dieu ne te guérit pas à cause de l'orgueil. Dieu ne te donne pas son Saint-Esprit à cause de l'orgueil. Moi, je ne veux pas qu'on me domine. C'est parce que tu es un païen. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne veux pas qu'on me domine, qu'on me considère comme un païen. Moi. Toi qui? Toi quoi? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Et qu'est-ce que tu as? Tu es seulement une motte de tête. Une motte de terre qui est pleine de verre. Tu n'as pas de valeur. Dans ce monde, mon frère, un homme sans Dieu, il est sans valeur. Malgré que tu bombes la tosse, tu n'es pas important. Tu es comme un tas d'astico. Il résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Un véritable enfant de Dieu, les élus dans chaque âge, ce sont des gens humbles qui s'abaissent. Il considère les autres comme au-dessus de lui. C'est pourquoi vous verrez même nous, lors de la Sainte Seine, nous l'avons réciproquement. C'est un signe prouvant que toi tu es au-dessus de moi. Sommes-nous ensemble? Moi je suis vraiment de bas niveau. Toi tu me dépasses. Tout véritable chrétien, Dieu le vient en aide. C'est la vérité. Humiliez-vous, c'est ce qui n'est plus dans les gens. C'est pourquoi même les gens ne voient plus de vision spirituelle. Les choses surnaturelles, les gens ne les voient plus. Pourquoi? Dieu résiste aux orgueillés. C'est une écriture. Que Dieu vous bénisse. Chaque frère, chaque soeur, dans sa vie, il doit apprendre à s'humilier. C'est la vérité. Nikweli. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Dieu, mon frère. Tu dois apprendre à t'humilier. Frère Branham, frère Branham dit ceci. Les images de Christ. Mouma picha ya Christo. Frère Branham, frère Branham dit ceci. Paragraphe 58. Nukta yake makumitano na mnane. Anasema hivi. Il dit ceci. 58b. Makumitano na mnane kipande ya pili. Ni frère Branham ou prophète? C'est frère Branham qui est prophète qui parle. Je ne voudrais pas en arriver à penser que je suis meilleur qu'un autre. Mishipende nifike mukipimo kia kuwazia sema niku mzuri kushindia mwingine. Mais bombe la torse et dit. Na kuvimbisha kilari na kusema. Tout le monde se lève quand moi j'arrive. Bantu bote veko na shimama kama mimi nafika. Que Dieu vous bénisse. Qui suis-je après tout? Mie ni kunani atavile. Sinon de l'argile que Dieu a fait. Ni kutuni bulongo bule Mungu alimba. Je vais m'humilier. Mie napenda ni nyinyi yeka. Jusqu'à ce que sa vie se reflète en moi. Kufika na pale bujima bwake buonekane ndani yangu. Ni prophète qu'on asema. C'est le prophète qui dit. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Sipende. Je ne vous veux pas. Muro yangu. Que dans mon cœur. Nianze kuwaza. Que je commence à penser. Kusema mie na mupita fulani. À me considérer que je dépasse tel. Mie na mupita fulani. Je dépasse tel. Qui suis-je alors? Je ne suis qu'une motte de terre que Dieu a créée. Tu ne vaux rien, mon frère et ma soeur. Un homme important au milieu de nous, c'est seulement Jésus-Christ. Si tu as besoin de voir des choses surnaturelles dans ta vie, cherche d'abord à t'humilier, à t'abaisser. Que Dieu vous bénisse. Le Christ n'est pas le bienvenu. Mahubiri Kristo ana mwenye kupokelewa mzuri. Paragrafu yake 31. Nukta 31. Febranam anasema hivi. Febranam dit ceci. Anasema, il dit, je pense à mon Seigneur. Mina mukumbuka bwana wangu. Pour moi, wangu mimi, c'est ce qui prouve qu'il était Dieu. Jo ile kuna hakikisha asema alikuwaka Mungu. Quand il a quitté la position la plus élevée au ciel. Wakati alitoka kimo ya yulu sana kumbingu. Et qu'il est devenu le laquais. Anakuwa tu mtu wa chini. Le plus bas sur la terre. Wa chini sana pa dunia wakuna ushana mikulu. Pour qui nous nous prenons? Sasa shi tu unajiona banani? À cause des habits de rechange que nous avons, ya mavazi ya kubadilisha tu nayo. Le Dieu du ciel, Mungu wa kumbingu, est descendu, alishuka, et est devenu un laquais. Anakuwa wa kunawishana mikulu. La personne qui avait le salaire le plus bas parmi les domestiques. Mutu ule alikuwa na mshahara ya chini sana katikati ya watu akutumikiana. Il avait les pieds. Ni ule alikuwa na nawishana mikulu. Et Jésus mon Seigneur. Na Yesu bwana wangu. Est devenu un laveur de pieds. Anakuwa wa kunawishana mikulu. Et qui êtes-vous donc? Sasa wewe uko nani basi? Qui suis-je? Mie ni kunani? De quoi nous nous glorifions-nous? Tutajitukuza juu ya nini? Quand nous pouvons rouler à bord d'un grand beau véhicule et tout, nous levons notre nom à l'air. Tunapandisha jina yetu yulu. Et nous passons être quelqu'un. Tunawazia kwa mtu fulani. Alors que le Dieu du ciel. Japo Mungu mwenyewe wa kumbingu. Et devenu elake. Anakuwa mtu anawishana mikulu. Ule alikuwa anawishana mikulu. Honte à vous. Aya yenu. C'est pitoyable. Ni abuluma sana. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Dio ndugu. Hatuna na bei. Nous ne valons rien. Mungu anapenda aone bandugu na badada. Je voudrais voir des frères et des sœurs. Bana shuka. S'humilier ou s'abaisser. Hata kama Mungu anaanza kukubariki. Même si Dieu commence à te bénir. Mais wewe anze baka kushuka. Mais toi il faut t'abaisser. Ndio Mungu atendelea kukubariki. C'est alors que Dieu va continuer à te bénir. Unaanza kujipandisha. Mais si tu commences à t'élever. Uko naweka lana. Là tu mets. Yule ya bénédiction ya. Malédiction sur ta bénédiction. C'est la vérité. Libia Kweli. Oui, frère. Dio ndu. Comment on angaria attitude de quoi na Ibrahim? Si tu regardais l'attitude qu'avait Abraham. Kumbele ya Elohim. Au devant d'Elohim. Il quoi ya humilité. C'était l'attitude d'humilité. Ya kunyenyeke ça. Que Dieu vous bénisse. Arishuka tellement sana. Il s'est tellement abaissé. Parce que angaria frère. Regarde mon frère. Kujipandisha. S'élever. Kuko na origine yako. Ça aussi son origine. Kukule ilitokea. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Si vous lisez dans la Bible, celui qui avait cet esprit-là de s'élever, c'était Lucifer. Les agents de Lucifer sont là encore même aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui veulent à chaque endroit qu'ils sont considérables. Aïna comportement chrétien. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Comportement ya ba Christ ni akujishusha. Menendo de chrétien c'est desabaisser. Kutafuta musaada ya milele. Chercher le secours de l'Éternel. Ndio inekala comportement ya ba Christ. Voilà ce qu'a toujours été le comportement des chrétiens. Mais les agents de Satan. Ils ont toujours l'esprit akutawalana. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Ndio vile watoto wa Shetani wanekala. C'est comme ça que les enfants de Satan se comportent. Ils ont toujours l'esprit de chercher à dominer les autres. S'il arrivait dans les groupes de frères, il s'assoit dans les groupes de sœurs. Il a toujours l'esprit de vouloir dominer. Cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Lucifer. Oui, frère. Dio nduku. Un Eli n'a pas cet esprit. Mute ule ana na ile reo akutawalana. Oui, frère. Apana nduku. Aikukuye paka humilité. Ce n'était pas seulement l'humilité seule. Mula maruko na mupokea Elohim. La manière dont il a reçu Elohim. Arikuye tena na fura. Il avait encore la joie. Mungu abote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Dio nduku. Ndani yake mulikuwa fura. En lui, il y avait la joie. Kama unaangalia comportement ya Ibrahim. Si vous regardez le comportement d'Abraham. Pale Elohim alimtembelea, frère. Lorsque Elohim l'a visité, mon frère. Ibrahim alikuwa wa kuchangamuka tellement sana. Abraham était vraiment enthousiasmé. Akatoka mbio akaenda kwa Sara. Il a couru vite vite vers Sara. Il est allé vers ses serviteurs. Vite vite chercher un veau. Mina pokea bageni ba mama. Je viens de recevoir des invités de marque. Ce comportement là, il est attitude ya Ibrahim. Ce comportement là est l'attitude d'Abraham. Ça montre qu'il a reçu la révélation. Que Dieu vous bénisse. Il est comportement ce comportement là n'est plus manifeste aujourd'hui. Les gens qui disent qu'ils ont reçu le véritable message. Nous avons reçu un véritable message. Mais si vous regardez le vis-à-vis de cette œuvre qui s'est. Vous verrez que ce sont des choses différentes. Est-ce que tu sommes-nous ensemble? C'est grave. Ni Atari. Comment on a mis, frère? Si tu crois, mon frère, que la parole de Dieu, que Dieu communique dans cette cité de Kambove, au travers de cet endroit, et que Dieu t'a mis, ces gens que Dieu a placés devant toi, ce sont des serviteurs de Dieu. Si Dieu te révélait, tu vas soutenir cette œuvre. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Ou t'as soutenir bila ma pensée? Tu vas soutenir sans arrière-pensée. Parce qu'Ibrahim. Parce qu'Abraham. Elohim, lorsqu'il a reçu Elohim. Arimwanga, il s'est tellement beaucoup préoccupé de lui. Au point où tous ceux qui étaient ses voisins. Ils ont découvert. Ce visiteur qui vient de recevoir. Il est vraiment différent de tous les visiteurs qu'il a toujours reçus. L'évangile que tu reçois, l'évangile que tu reçois, tu dois fournir tout ton effort, toute ton intelligence, toute ta vie à cette œuvre qui s'est faite ici. Si réellement Dieu te révèle que tu découvres que c'est son œuvre, oui, frère, mais beaucoup de gens, c'est compliqué. Dieu a pour soutenir pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui soutient comme si c'était un corvée. Vraiment, cette collecte, ça nous a beaucoup fatigués. Est-ce que vous me suivez? Ça, ce n'est pas le comportement des élus. Que Dieu vous bénisse. Ibrahim était un élu. Que Dieu vous bénisse. Il est attitude à Ibrahim. Cette attitude là d'Abraham. Kumbele ya Elohim. Au devant d'Elohim. C'est ce qu'a toujours l'attitude de tous les élus dans chaque génération. Ce sont des gens. Kutumikia Mungu. Servir Dieu. Pour eux, ce n'est pas un travail difficile. Jamais. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Nikweli. Parce que wakati Mungu aliona. Lorsque Dieu a vu attitude ya Ibrahim kumbele yake. L'attitude d'Abraham au devant de lui. Mungu akaanza kujiuliza kumbe nimfanishie nini. Dieu a commencé à se demander qu'est-ce que je peux faire à cet homme. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Nikweli. Aliona humilité ndani ya Ibrahim. Il a vu l'humilité en Abraham. Aliona kujitoa ndani ya Ibrahim kukazi yake. Il a vu se consacrer à Abraham. Comment Ibrahim considérait son œuvre? Ibrahim alikuwa mtu wa kusoma sana. Ibrahim était un homme qui lisait à tout moment. Ibrahim alikuwa mtu wa maombi. Abraham était un homme de prière. Toutes ces choses qui apparaissent, même lorsque Elohim est arrivé au devant de lui, l'Esprit de Dieu était touché. Il a dit, que puis-je faire à cet homme? Ça va. Muzuri. Ça va, Ibrahim. Il a dit, ça va, Abraham. L'année suivante, à cette même époque, Sarah, ta femme, enfantera un fils. Que Dieu vous bénisse. Parce que notre sujet à nous, nous entrons maintenant dans les fonds du sujet. Sujet notre sujet à nous. Masauti, Dieu a dit ces paroles. Sur base ya réaction ya Sarah. Kufuatana na kutenda de Sarah. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? C'est sur ça que nous allons parler. Je pense que tu t'envies à parler quelque chose. Je pense que nous allons commencer par là demain. Mais chaque frère et chaque soeur, si tu es un élu, tu dois avoir le comportement qu'avait Abraham. C'est ce comportement-là qui fera ce que Dieu puisse faire de merveilles pour toi. Le Saint-Esprit va te l'accorder. La guérison va te donner. La vie de sainteté va te donner. Parce que toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les possède. Mais il est hari. Mais cette attitude-là, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas. L'évangile est prêché, mais les gens sont déjà fatigués. Les autres veulent même dormir. Mais Abraham n'avait pas cette attitude. L'œuvre de Dieu est là, mais les gens sont indifférents. C'est comme si on est en train de les forcer. Regarde mon frère. Toute chose que tu feras comme si tu es forcé, il n'y a pas de bénédiction. Que Dieu vous c'est bénisse. Nikweli. Les véritables chrétiens. Les élus de chaque âge. Ils font les choses de Dieu avec un cœur disposé. Sommes-nous ensemble? Je viens à l'église avec un cœur bien disposé. Je prie avec un cœur disposé. J'aide les frères avec un cœur disposé. Toutes des choses pareilles. Ce sont des choses pareilles qui apportent la bénédiction. C'est pourquoi chaque frère et chaque soeur, il doit avoir l'attitude qu'avait Abraham. Oui, frère. Dis en tout coup. Parce que parce qu'il n'y a rien qui est difficile devant Dieu. Il n'y a rien qui est impossible devant Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce qui est impossible devant Dieu? Baptême du Saint-Esprit. Ou baptisé au Saint-Esprit. Il a déjà envoyé sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ce sont les enfants? Dieu a déjà fait que les stériles enfantent. Est-ce que c'est la guérison? La Bible dit, l'Éternel notre Dieu, il guérit toutes les maladies. Il n'y a rien qui est impossible. Les gens échouent de recevoir des choses de la part de Dieu. C'est conformément à leur attitude. Sommes-nous ensemble? Les gens sont bakibouris en présence de Dieu. Tu ne recevras rien. Les gens vivent la vie de l'hypocrisie dans la présence de Dieu. Tu ne vas rien recevoir. Il faut vérifier à l'Iako. Il va aller demander quelque chose auprès de Dieu. Parce que l'Éternel notre Dieu, lui, il paie tout. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est difficile devant? Est-ce que c'est le péché? C'est quoi alors? Regarde mon frère. Dieu, il est vraiment au Kushangaisha. Sommes-nous ensemble? Si nous tous nous avions une attitude correcte devant Dieu, même un méchant, notre attitude à nous devant Elohim, ça va changer un méchant dans cette église. Sommes-nous ensemble? Frère, c'est la vérité. Notre Dieu n'échoue jamais. Si aujourd'hui on a des méchants, on a demeuré à quoi les méchants dans l'église? Responsabilité est. C'est notre responsabilité à nous. Que Dieu vous bénisse. Ah, vous dites, prédicateur, c'est notre responsabilité. Comment? Nous n'avons pas de soucis à des âmes qui sont perdues. Parce que du temps de Frère Branham, une sœur avait demandé la délivrance de ses enfants. Mais Dieu du ciel lui avait accordé. Ces enfants-là, ils ne s'étaient pas répandus. Que Dieu vous bénisse. Ses enfants n'avaient même pas cru. La foi de cette sœur, Dieu a opéré des miracles. Si nous étions avec cette attitude au devant des frères et des sœurs qui ne sont pas stables dans la foi, alors Dieu devait faire quelque chose. Regarde notre attitude à nous. Si vous voyez quelqu'un qui a une mauvaise vie, commencer à les critiquer. Ces gens ici nous font mépriser. Ça, ce n'est pas l'attitude des élus. Parce qu'au devant de l'Éternel, il n'y a rien qui est impossible devant lui. C'est quoi alors? Que Dieu vous bénisse. Si nous venons avec une bonne attitude devant les promesses de l'Éternel, c'est Dieu là de la Bible, et qu'il soit au milieu de nous, il fera des choses surnaturelles et les gens seront étonnés. Que Dieu vous bénisse. Il faut d'abord nous amender nous-mêmes, qu'on puisse réparer notre vie. Dieu résiste aux orgueils. Mungu anashinda na nabenye kiburi. C'est la vérité. Ni kweli. Kama tunapenda tuone Mungu. Si nous voulons voir Dieu. Tuanze kubeba mambo ya banduku. Prenons les charges de nos frères. Mambo ya badada. Les fardeaux de nos soeurs. Ça inakuwa yetu. Que ça soit comme les nôtres. Il est arrivé, inakuwa presque disparu. Cette attitude n'est plus là, elle a disparu. Kupata frère. Trouver un frère. Kupata dada. Trouver une soeur. Anafunga chakula ta 3 jours. Qui gêne même pendant 3 jours la prière. Pour la délivrance ya dada fulani mu maisha yake. Pour qu'il voie la délivrance de telle soeur ou tel frère dans sa vie. Rare. Ah, bina kotena. C'est la vérité mwitike amen. Nikweli, répondez par amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Nikweli. Maintenant moi mko napenda Mungu afanye nini? Mais vous voulez que Dieu fasse quoi? Oui frère. Dieu ndu. Kama tulianza kuchukuriana miziko. Si on se portait les fardeaux les uns pour les autres. Bamoya na bengine. Les uns pour les autres. Uwezo ya maajabu ilipasa kuonekana. La puissance des miracles devait s'opérer. Oui frère. Dieu ndu. Parce qu'il y a kuna kia nguvu kumbele wa milele. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible devant l'Éternel. Oui, Dieu ndu. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Anapasha pa kuangalia hali yake. Il va d'abord examiner son attitude. Ile hali ilikuwa na Ibrahim. L'attitude qu'a fait Abraham. Oui, on en a eu. Toi tu ne l'as pas. Ouais, on a shimanga na baubiri. Toi tu critiques même des prédicateurs. Tu critiques même des pasteurs. Mais on appelle la Mungu akupe Saint-Esprit. Et tu veux que Dieu te donne son Saint-Esprit. Ah, utajipatia yako. Ah, tu vas te donner ton Saint-Esprit à toi-même. C'est la vérité. Ni kweli. Mungu na leo. Dieu jusqu'à aujourd'hui. Il baptise encore du Saint-Esprit. Na leo hii. Même jusqu'à aujourd'hui. Mungu na délivrer bantu. Dieu il délivre les mais gens. Mais hapana. Mais toi non. Parce que ali kunakuya nayo kwa mubaya. Parce que l'attitude avec laquelle tu viens là n'est pas correcte. Il faut avoir pitié. Na kumusi Mungu akusaidie. Demande que Dieu puisse t'aider. C'est alors que les choses iront correctement. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible devant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Mettons-nous debout pour la prière. Méditons nous tous. Entonne-nous un cantique de méditation. Prions tous ensemble.